Ce soir, je sors mes petites lunettes, ça veut dire que c'est très sérieux. Et je voudrais faire une homélie d'un style un peu différent, parce que, en réfléchissant sur ce mystère de la Sainte Famille, je suis tombé sur une mine d'or, j'allais dire. C'est le chapitre qui est consacré dans le catéchisme de l'Église catholique à la famille dans le plan de Dieu. Et c'est extraordinaire ce qu'on y trouve. C'est toutes des choses simples et fondamentales que je vous invite à lire à partir du numéro 2203, 2203 et suivant. Et je vais essayer d'en faire un vous. Je reprends un petit peu les choses dans l'ordre qui m'est venu, mais d'abord, le catéchisme nous dit que la famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint. C'est ce que nous avons dit au départ. C'est comme un reflet, comme vous savez, la montagne qui se reflète dans le lac, c'est comme le reflet humain d'un mystère divin. Trois personnes qui s'aiment et qui donnent la vie. Son activité procréatrice et éducative est le reflet de l'œuvre créatrice du Père et aussi du salut. En créant l'homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l'a dotée de sa constitution fondamentale. On la considère comme la référence normale en fonction de laquelle doivent être appréciées les diverses formes de parenté. Voyez, l'Église aujourd'hui, avec ce discours, est complètement à contre-courant en redisant que le modèle de la famille, c'est fondamentalement le consentement d'un homme et d'une femme qui reflète donc cette vie trinitaire, c'est la référence. Tout le monde ne peut peut-être pas l'atteindre, mais ça reste le modèle que Dieu nous donne et qu'il inspire au cœur de l'être humain. Pour le bien commun de ses membres et de la société, la famille implique une diversité de responsabilités, de droits et de devoirs. En effet, la famille est faite de personnes qui ont une égale dignité, mais ils n'ont pas tous le même rang dans le fonctionnement de la famille. C'est un peu comme dans la Trinité. Les trois personnes sont également divines, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une hiérarchie dans la Trinité. C'est-à-dire que le Père est le commencement absolu, et le Fils sait qu'il est engendré par le Père. Il doit son être filial au Père, même s'il est l'égal du Père. C'est pourquoi il est toute obéissance. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Saint Jean, « Tout ce que je vous ai dit, je l'ai entendu d'auprès de mon Père. Tout ce que je fais, c'est la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est vrai pour son humanité, mais pour sa divinité aussi. Et donc, dans la famille, il y a une hiérarchie. Et même à l'intérieur du couple, je pousse plus loin la pensée à contre-courant, mais le père est le chef de famille. C'est quelque chose qu'on ne dit plus aujourd'hui, et c'est vrai qu'il faut le vivre d'une manière qui tienne compte de la culture actuelle. Mais on a besoin de chefs de famille aujourd'hui, plus que jamais. Ce n'est pas des autocrates ou des tyrans, mais ils représentent cette paternité divine qui est commencement et qui donne la vie. Et je voudrais vous raconter un petit témoignage d'une jeune femme que j'ai revue récemment, que j'avais connue en Europe, avec laquelle j'avais collaboré pendant une année dans une école d'évangélisation. À l'époque, elle était au début de la trentaine, elle était célibataire. Et puis, je la revois, puis elle me raconte un petit peu son cheminement. Quand elle est rentrée dans son pays, aux États-Unis, elle était toujours célibataire, et ne trouvait pas de mari, puis un de ses amis lui a dit, « Écoute, va donc sur Internet, site chrétien de rencontre. » Et elle ne pensait pas que c'était son genre, mais finalement, elle s'est dit, « Pourquoi pas ?» Et puis, elle rencontre un monsieur, puis la première chose qu'elle lui, elle lui dit, « I want you to be the leader. » Et ce garçon, ça l'a bouleversé, parce qu'il s'est dit, « Mais enfin, quelqu'un qui me reconnaît pour ce que je suis. » Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont deux beaux enfants, voyez. Il a été comme renvoyé à sa nature, à sa mission, comme homme et comme père. Donc, la famille est faite de membres égaux en dignité, mais à l'intérieur de cette famille, il y a une hiérarchie, le père de famille, mais les parents aussi exercent l'autorité. Et le catéchisme parle des devoirs des membres de la famille, celui des enfants. Le respect pour les parents est fait de reverence à l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. L'autre jour, au Bunker des ados, on a parlé de l'autorité. Le mot « autorité » vient d'un verbe latin « augere » qui signifie « croître, faire grandir ». L'autorité dans la famille ou dans la société, ce n'est pas une police qui fait des règlements et qui surveille les gens, qui punit ou qui récompense. L'autorité, c'est un service de croissance qui est donné. C'est une forme de charité. Les parents donnent la vie, ils font croître les enfants physiquement, intellectuellement, affectivement et spirituellement. Et tout naturellement, ou enfin aidés par l'éducation, les enfants obéissent aux parents parce que ils sentent que, justement, ils sont là pour leur vie, comme pour Jésus, qu'ils grandissent en sagesse, en taille et en grâce. S'il entend que l'enfant vit au domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à toute demande des parents motivée par son bien ou par celui de la famille. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Mais là, il y a une petite ligne qui est assez étonnante. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'il ne le suive pas. Enfin, il faut que sa conscience soit éclairée par la parole de Dieu. Donc, cette obéissance, qui est encore une fois le fait de reconnaître que dans nos parents se trouve un bien qui est communiqué pour notre croissance, eh bien, cette obéissance, elle cesse, nous dit le catéchisme, avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui est dû à... Et ça, c'est très important. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes, souvent d'ailleurs qui viennent de l'étranger, qui sont adultes, qui sont autonomes et qui n'arrivent pas à se détacher de l'autorité de leurs parents. Des parents qui veulent leur dire quoi faire en termes de vocation, en termes d'orientation professionnelle. Non. Quand tu es grand, c'est fini l'autorité de papa et maman. L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, tous deux ne feront qu'un. Et c'est délicat pour les parents, parce que tout en voulant le bien de l'enfant, tout en l'aidant quand il est affranchi, quand il est émancipé, ne doivent pas exercer l'autorité. Alors c'est un respect mutuel, mais le respect justement il continue. Honore ton père et ta mère, c'est ça que j'explique aux jeunes. Il ne s'agit pas de rompre avec tes parents, mais il s'agit de rompre avec une attitude de dépendance qui n'est pas juste. Les enfants, autant qu'ils le peuvent, doivent donner aide matérielle et morale dans les années de vieillesse et durant le temps de maladie, de solitude ou de détresse. Moi, j'ai la joie d'avoir une mère qui est très âgée, 91 ans, et évidemment, plus elle vieillit, plus elle a besoin des autres, plus elle est dépendante. Et c'est pour moi vraiment une expérience extraordinaire d'essayer de rendre un tout petit peu de ce que je dois à ma mère en termes de dévouement, de soins, d'affection qu'elle a eu à mon égard dans toute mon enfance. C'est vraiment une belle expérience d'amour et de tendresse que de l'accompagner dans cette partie, dans cette dernière partie de sa vie. Et puis, l'harmonie du couple doit créer un climat d'harmonie dans les relations de frères et sœurs. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et patience. » C'est pas facile au quotidien. On sait bien que même une famille qui a une belle harmonie de couple et tout ça, c'est un défi. J'en parlais hier soir, j'étais invité à manger justement dans une famille. Et puis je leur demandais, mais c'est quoi le secret du bonheur en famille? Et tout de suite, le premier mot qui est sorti sur la bouche des quatre membres, c'est de la famille, c'est le pardon. Vivre le pardon, vivre la miséricorde les uns pour les autres. Et la deuxième chose qui est venue, c'est la prière. Et les parents nous disaient que on a toujours prié en famille, mais c'était jamais très long. Parfois, on disait juste un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Mais ça suffit pour créer cet habitus de la prière chez les enfants qui sont maintenant au cégep, à l'université et qui continuent d'avoir une vie chrétienne, une vie de prière personnelle. Donc, la famille va être ce lieu de la croissance physique, humaine et spirituelle, un lieu de prière. Et les parents ont cette grave responsabilité de donner de bons exemples à leurs enfants. C'est pas facile, mais c'est là où c'est important de vivre, je dirais, dans un mouvement de conversion continuelle. Vous savez, vos enfants, ils seront édifiés par votre transformation, par vos progrès, parce que vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Parce que parents comme des enfants, c'est la croissance. Les parents aussi sont en croissance. Et c'est une aventure merveilleuse, la foi chrétienne, quand on expérimente ce pouvoir transformant que la parole de Dieu a dans nos vies et la grâce qui nous est donnée par les sacrements. Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège d'évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le premier âge au mystère de la foi dont ils sont pour leurs enfants les premiers héros. Héros AUTS. Ils les associeront dès le plus tendre enfance à la vie de l'Église. Et là, ça nous amène au dernier aspect que je voudrais examiner, c'est-à-dire que la famille humaine n'est pas un absolu, n'est pas une fin en soi, même si elle est d'une valeur inestimable, et c'est une réalité centrale, évidemment, dans le monde humain, mais elle demeure ordonnée à une finalité plus haute. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous donne une lumière à cet égard. Même la Sainte Famille a vécu, d'une certaine manière, l'irruption de l'absolu. Quand Jésus a dit à ses parents qu'il cherchait depuis 3 jours, « Ne fallait-il pas que je sois dans la maison de mon Père ?» Ils ont été bouleversés. Ils n'ont pas compris. C'est parce que Jésus leur annonçait son sacerdoce. Déjà, il disait, d'une certaine manière, qu'il devait être offert pour le monde et qu'il n'était d'une certaine manière plus ordonné uniquement à sa famille humaine, mais qu'il entrait dans le mystère de sacrifice de son offrande. Et la famille chrétienne, donc, est un lieu où les vocations peuvent germer. Je me rappelle en France d'avoir vu des bonnes familles catholiques qui allaient à la messe tous les dimanches, puis tout d'un coup, j'ai entendu parler comme ça d'une famille où il y a un garçon qui a décidé qu'il rentrerait au séminaire, et c'était le bouleversement à la maison, le scandale, etc., parce que les parents avaient décidé que le petit garçon, ben, il reprendrait l'entreprise de papa, ou bien il serait médecin, docteur, il se marierait avec telle fille, tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas christianisé dans la vie de la famille. Ça veut dire que la famille est enfermée sur elle-même. Elle est centrée sur elle-même. Mais la famille chrétienne, elle vit dans une famille plus large, qui est l'Église. Rappelez-vous, quand les membres, les cousins et tout ça cherchent Jésus, on lui dit « Ta famille veut te voir ». Et Jésus regarde autour de lui et dit « Qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs ?» Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc la famille humaine est dans une famille plus large. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de cette famille d'Église pour vivre sa vocation, comme l'Église a besoin de la famille humaine pour exister. Elle est la cellule originelle de l'Église et, nous dit aussi le catéchisme, de la société. Et je voudrais terminer en disant que peut-être certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vous reconnaître dans ce modèle, famille monoparentale, séparée, divorcée. Eh bien, moi-même, j'ai grandi dans une famille qui a connu l'échec de la séparation et du divorce. J'ai vécu dans une famille où les temps de bonheur et les drames familiaux continuellement, ce qui faisait qu'on n'était pas dans un climat de paix et de sérénité. Et mes parents ont divorcé après 35 ans de mariage. Et moi, je me suis converti à l'âge de 24 ans, et l'Église et la communauté de l'Emmanuel ont été pour moi comme une seconde famille, une famille de miséricorde, où j'ai pu me reconstruire, vivre une guérison qui continue d'ailleurs de toutes ces blessures. Mais aujourd'hui, je dois vous dire, quand je regarde rétrospectivement, tout ce que j'ai reçu de ma famille, eh bien, les talents pour la musique, un amour de la langue, de la culture, de mon pays, tout au fond, ce matériau qui font que je peux être le prêtre que je suis aujourd'hui, eh bien, je le dois à ma famille. Malgré ses vicissitudes, malgré ses échecs. Bien sûr, j'aurais pas pu être prêtre sans la grâce de Dieu et la famille Église, mais inversement, la grâce n'aurait pu rien faire pour moi si je n'avais pas reçu mon humanité de ma famille. Donc, vous voyez comment la miséricorde de Dieu fait des choses extraordinaires, même s'il y a des échecs, des limites. Tournons-nous encore une fois vers cette crèche qui est icône donc de la Trinité, communion de personnes avec chacun à son rang, à son ordre, famille domestique, église domestique plutôt, où peut germer la prière, le sens de l'Église, peut-être aussi la vocation. Demandons au Seigneur en cette année de la miséricorde que nos familles québécoises puissent trouver des modèles et des inspirations pour se reconstruire et devenir des foyers d'amour, d'espérance, de charité. Amen.